principes de modernité, plongé dans la complexité, liberté, égalité, fraternité, intégrité, humilité, simplicité, aspect de ma volonté de paix, respect, car tu sais que l'enfer est ici, il y a tout qui se perd, force crispée, c'est aux erreurs qu'on va se livrer à l'Iman V. J'observe leur système et je vois que le mal s'empare de chaque sentiment qui nous contient et pervertit la profondeur de ton âme faible. À l'heure où la maille fausse les rapports et la haine s'intensifie sous leurs sirènes et jure aux phares. Tous libres et échos, quand je paie des buffets d'égo, je dis paix à celles que j'aime ainsi que mes gars. Unis dans l'illégal, mes réglos dans un monde d'aveugles où l'égoïsme et la mort contaminent en prison, hypothéquant l'éventuel bonheur présent. Une génération entièrement sacrifiée aux cris, aux larmes, aux meurtres épanouies de leur triste univers où la rage coule dans les gènes dès l'origine, tels des indigènes. L'arme blanche dans le djinn oblige à cause des chaînes passées par nos esclavagistes élus démocratiquement, quasi toujours pratiquement, abdiquement, car je te dis que là politiquement, je te meurs libre dans ma tête, ma chair, mon hémoglobine à chaque mouvement, et jusqu'au dernier si on avait pu naître avec les mêmes chances, libre et égaux, s'il n'y avait pas le pouvoir de l'argent ni l'ego, ici la vie nous a fumé jusqu'au mégot, ils nous détruisent appuyés par des moyens légaux, on nous emboîte dans leur schéma tel des légaux, c'est pareil pour les jeunes, les enfants et les goûts. Que va devenir la guerre? Allemagne à HP, tous libres et égaux. La nation a du fou visage, peuplé d'élémentaires. Une attitude élémentaire, car tous sont éclairés par les mêmes lanternes. Des coups de fouet de ministère aux solutions militaires. Exploitation, la haute droite du travail est lacunaire. Le sang coule jusqu'à épuisement comme les ressources pétrolières. Ça tu figer les pieds dans la bétonnière. L'état parque et méta par argent comme seule matrice, force motrice. Ils tiennent les pièces maîtresses, société consommatrice. À leur échelle, c'est l'homme contre la machine. Et pour eux, laisser le prolétaire libre serait l'anarchie. Perdant nos souffles, à force de courir avec nos boulets au bras. Et eux-mêmes pas nous transpirent, nos frères écroulés au bas. N'ont pas compris qu'ils gaspillent leur énergie, amener cette lutte contre la hiérarchie. Nous, c'est juste honneur de finir les courses sans espoir de médaille. On a pour choix de vie de donner de l'importance aux détails. Si on avait pu naître avec les mêmes chances, libres et égaux, s'il n'y avait pas le pouvoir de l'argent ni l'ego, ici la vie nous a fumé jusqu'au mégot, ils nous détruisent appuyés par des moyens légaux. On nous emboîte dans leur schéma tel des légaux. C'est pareil pour les jeunes, les enfants et les goûts. Que va devenir la guerre? Il y a le fou égo. Allemagne à HP, tous libres et égaux. Concept si vaste qu'on s'y perd, tant de contraste autour. Au-delà de nos frontières, la liberté voit à peine le jour. Un jour, genou au sol, symbole de leur hégémonie. Libre en Occident, pris du sang de ses colonies. Des institutions géantes, mais pas de restitution réelle. Une constitution étrangement impuissante à grande échelle. J'aurais pu y naître, on a le droit de penser, mais pas d'écrire, libre d'être, mais pas d'avoir conscience. Et s'en servir, j'écrirai ton nom sur des charniers, des camps de concentration. Fleurs qui poussent au fusil du guerrier mort dans les champs pour la compensation. Contemplation, les deux tiers de la terre, bien loin des chaînes. Inégalité sans intérêt, des réalités, t'en oublies la tienne. Chacun la sienne, on n'est pas égaux en proie. On proie ses envies propres, le besoin génère le choix. Libre de tout, de rien, ici, là-bas, sans qu'on oublie. Et gros, jouis de la liberté, mais qu'en est-il de celle d'autrui? Si on avait pu naître avec les mêmes chances, libres et égaux, s'il n'y avait pas le pouvoir de l'argent ni l'ego, ici, la vie nous a fumé jusqu'au mégot, ils nous détruisent appuyés par des moyens légaux. On nous emboîte dans leur schéma tel des légaux. C'est pareil pour les jeunes, les enfants et les goûts. Que va devenir la terre? Il y a le fou égo. Allemagne à HP, tous libres et égaux. Si on avait pu naître avec les mêmes chances, libres et égaux, s'il n'y avait pas le pouvoir de l'argent ni l'ego, ici la vie nous a fumé jusqu'au mégot, ils nous détruisent appuyés par des moyens légaux. On nous emboîte dans leur schéma tel des légaux. C'est pareil pour les jeunes, les enfants et les goûts. Que va devenir la terre? Il y a le fou égo. Allemagne à HP, tous libres et égaux.